Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas deux secondes. Besoin de réconfort? Lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top. Ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effondres. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes. Qu'ils rêvent de fame en priant pour que la tienne retombe. Tu seras du père, toi qui rêvais d'être dans la lumière. Comme si c'est nous qu'allions te faire de l'ombre. Ouais, on est tes potes, mais bon, tu changes de cap. Tu nous mets sur la touche maintenant que tous ces gens te flattent. J'suis pas là pour critiquer ni t'apprendre le rap. Mais t'as retourné ta veste, tous les jours tu changes de sap. Des sacrifices? Tout ce que je vois, c'est qu'à force de prendre le cash, t'as dû prendre le large. J'espère que toute cette merde, ça va finir par te rendre barge. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Vas-y fais la pute, donne-toi en spectacle. Quand tu dormiras dans la rue, tu seras toujours à côté de la plaque. T'auras des crampes d'estomac, mais c'est pas le trac. Quand tes gosses auront faim, essaye de leur jouer de la gratte. Essaye de leur faire un rap, essaye de l'auto-tuner. T'auras jamais aucun fan, essaye de t'auto-sucer. T'es nul, tu vas nulle part, A plus B. Faire semblant d'avoir du talent le rendra pas plus vrai. Petit conte bourgeois, le mur est juste en face, vas-y fonce tout droit. Tu vas te péter les dents ne repoussent pas. N'attends personne puisque personne ne compte pour toi. Bien sûr, tu mérites toutes les insultes. Et tu reviendras chialer mais tu seras plus le bienvenu. Sache que des gars comme toi j'en trouve à tous les coins de rue. En train de dire aux passants qu'ils ont besoin de thunes. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Si tu leur demandes l'heure, ils diront qu'il est trop tard. Que la tienne est passée, qu'on ne rattrape pas les retards. Que le chemin qu'ils ont parcouru t'en a pas fait le quart. Tu te mettras à nu, ils te tailleront des costards. Et si tu demandes ta route, ils diront qu'elle mène à rien. Que la place des gens comme toi se trouve dans les gradins. Ils attacheront tous tes rêves de grandeur à des parpaings. Compte pas sur eux pour te tendre la main. Ils tourneront tout ce que tu fais en ridicule. Critiqueront tes textes à la moindre virgule. Plus tu seras honnête, plus on dira que tu simules. Prends du recul, comment t'as fait pour devenir aussi nul? Avec le temps tu finiras par les croire. D'abord tu vas douter, puis tu vas perdre espoir. Un jour tu croises un type avec la même histoire. Et tu répéteras: si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.